ressens le terreur lorsque m'aspire les profondeurs. Je n'éprouve pas plus de peine dans les tréfonds de l'âme humaine. Sur le rire, rien ne m'inspire de plaisir. Je n'ai pas l'air de jouir. Je suis un mystère. À cœur et poids et soude dur labeur, mais plutôt que de me secouer les puces, je préfère revenir vers l'humus sur lequel pousse une fleur à la beauté si déplaisante, qu'éphémère et sa splendeur et sa déconfiture lente. Se lézarder en un cri de stupeur quand je l'exclurai de mes fables sans doute.